je crois que l'exemple qui a été donné sur Guillaume Régnier et cette démonstration de ce que le collectif peut faire, c'est justement ce qui emmerde très profondément le gouvernement, les gouvernements successifs jusqu'à aujourd'hui. Et la casse du collectif, c'est ce que Macron organise très clairement et ce qui est organisé déjà depuis plusieurs années. Je ne vais pas refaire l'ensemble des dernières lois dites sociales qui ont été promulguées depuis 2008, mais très clairement, ils ont un schéma, ils ont une tactique, ils ont un objectif et ils iront jusqu'au bout. Donc, je dirais que c'est plutôt en 2008 que ça s'est accéléré quand on voit le nombre de lois sociales qui ont été pondues donc ces 10 dernières années comparé aux 30 années précédentes. Ils ont un objectif, ils ont un sens commun et peu importe le changement de gouvernement qu'on passe de droite à gauche, pour moi ça veut rien dire parce qu'ils ont une continuité, une logique qu'on peut appréhender à l'étude de ces lois. Et je dirais que le principal est de casser l'outil collectif, de casser tout ce qui peut rassembler les salariés. Si on parle spécifiquement de ces ordonnances, effectivement, on voit que la casse du collectif passe notamment par l'inversion de la hiérarchie des normes. On en a beaucoup parlé, je ne sais pas si tout le monde a saisi techniquement ce que c'est, mais il y a eu pas mal de choses sur le sujet. Mais grosso modo, c'est avant ce qui s'appliquait pour toute une profession, par exemple les routiers, par exemple les hospitaliers, par exemple les hôtels, cafés, restaurants, il y avait un certain nombre de primes ou un certain nombre de conditions de travail qui étaient négociées au niveau national dans la branche. Et l'avantage, c'est que moi, je travaille dans une petite boîte où j'ai un patron en face de moi. Je n'ai pas besoin d'aller négocier avec lui, heureusement, parce que c'est un gros con et il n'écoute rien. Donc, je me rattrapais à mes accords de branche. Et donc, du coup, j'avais ma prime d'ancienneté, j'avais ma qualification, mon coefficient, etc. Parce que ça avait été négocié au niveau de la branche. Et Macron, avec ses ordonnances, mais ça a commencé un petit peu avant, mais les ordonnances ont accéléré les choses, a cassé ce système collectif, a cassé ce système de branche et a décidé qu'un certain nombre de choses qui étaient négociées avant au niveau de la branche seraient négociées désormais entreprise par entreprise. Donc qu'on soit dans une petite structure ou une structure plus grande, il a donné les moyens au patronat d'aller négocier directement avec les salariés en face de lui. Donc autant vous dire que vous retrouvez seul devant son patron, forcément ça crée des conditions dans lesquelles c'est difficile d'obtenir des revendications, alors ne serait-ce que d'obtenir des revendications qu'on peut avoir, mais ne serait-ce que de conserver nos acquis et les droits qu'on avait qui étaient tirés avant de la branche. Donc non seulement il a cassé cette hiérarchie des normes, il l'a inversée, mais en plus il s'est donné les moyens de sa politique, Macron, puisque... et ça a été fait aussi un petit peu avant, il a cassé ce qu'on pouvait négocier avant. Qui pouvait négocier? Alors évidemment, on va parler du syndicat. Il n'y a pas tous des syndicalistes dans la salle, j'imagine bien. Il y a même des antisyndicalistes et la discussion peut être ouverte, peut-être pas ce soir, mais je la conçois tout à fait, ça ne me pose aucun souci. Néanmoins, le syndicat était à un moment une barrière, un frein à l'employeur parce qu'il ne pouvait pas se permettre tout ce qu'il voulait. Et ça, Macron a su le casser par le détournement des syndicats. Alors, c'est pas grave, moi, j'en fais pas un monopole. Le seul avantage du syndicalisme, quand on est dans une négociation en face de son patron, c'est que, un, on est protégé, et deux, on est soutenu. Alors après, ça dépend quel syndicat nous soutient. néanmoins, voilà, donc Macron a cassé ça en cassant la hiérarchie des normes, donc a cassé cette règle, et en plus, s'est donné, je vous disais, les moyens de sa politique, très clairement. Donc les ordonnances, c'est la casse et la remise en cause de la hiérarchie des normes. C'est aussi la casse de ce qui représente les personnels, les institutions représentatives du personnel. Alors là, on peut dire, oui, c'est une discussion de boutique. C'est les fameux ECE, comités d'entreprise, délégués du personnel, CHSCT. C'est là où on négocie les tickets resto, c'est là où on voit rapidement le bilan de l'entreprise, mais on nous montre pas tout. Et puis c'est là où on est censé faire remonter les réclamations individuelles, collectives des salariés. Alors ça marche, ça marche pas. Il y a des boîtes, ça marche bien. Il y a des boîtes, ça marche pas. Ça dépend aussi de quel syndicat est infiltré dans ces représentations du personnel. Néanmoins, elles avaient le mérite d'exister. Et la deuxième chose qui était méritant aussi, c'est la création du CHSCT. Tu as parlé de la souffrance au travail, passer de 80 personnes qui viennent à un stage ou à une formation sur la souffrance au travail, passer à 200, c'est extrêmement représentatif de ce que vivent les salariés aujourd'hui, comparé il y a 30 ans. Le CHSCT, le comité d'hygiène, des sécurités et des conditions de travail, c'était une instance représentative. C'était une instance qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, mais quand elle fonctionne, elle permet... d'engager un certain nombre d'actions en vue de faire cesser la souffrance au travail ou en tout cas la faire alerter, soit auprès de l'inspection du travail qui peut descendre et dont le patron flippe pas toujours, mais flippe quand même. C'est quand même la représentation de l'État qui lui donne pas toujours raison. C'est aussi l'alerte auprès du médecin du travail, qui est le référent dans la boîte et qui va voir tous les salariés un par un. Donc le CHSCT était une représentation du personnel qui était à un niveau important, me semble-t-il. Et donc, les ordonnances Macron ont fusionné tout ça et en ont fait une instance unique. Très bien, c'est à nouveau, à mon sens, la casse du collectif. Ce n'est pas trop le propos que je devais développer, donc je ne vais pas forcément aller sur ce terrain-là. Mais la fusion en une seule instance, avec la moitié moins, enfin trois fois moins de représentants du personnel qu'avant, avec trois fois moins d'heures de délégation et donc trois fois moins de possibilités de faire des enquêtes, de faire remonter les réclamations des salariés, de contrôler réellement le bilan, les actions économiques, les restructurations de boîtes et tout ça. Forcément, la représentation du personnel va moins bien fonctionner. Et puis, les ordonnances Macron, c'est aussi, et c'est aussi pour ça qu'on intervient avec Manu, c'est aussi la modification des règles concernant le Conseil des prud'hommes. Et on va s'arrêter un petit peu là-dessus, puisque c'est l'objet de notre propos. Le Conseil des prud'hommes, je pense que j'apprends rien à personne, c'est effectivement le tribunal qui va gérer les conflits entre les salariés et les employeurs. Très bien. Sauf que le Conseil des prud'hommes, quand il a été créé, je remonte très loin en arrière, quand il a été créé, il faut savoir qu'il n'a pas été créé de manière uniforme sur tout le territoire, partout en France. Ce n'est pas du tout ça. Certaines régions, même pas certaines villes, avaient un Conseil de prud'hommes et ça réglait les conflits avec les tisserands, etc., etc. Bref, on est arrivé au fur et à mesure au prix de lutte, pas seulement syndical, mais aussi syndical, au prix de lutte, nous sommes arrivés à un conseil de prud'hommes qui soit une institution, un vrai tribunal. Par contre, ce n'est pas forcément des vrais juges qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas des magistrats professionnels, mais ce sont des patrons et des salariés, puisque c'est paritaire, moitié patron, moitié salarié. Donc ce sont des gens qui bossent dans leur boîte. Enfin, le patron, oui, censé bosser dans sa boîte. Et donc, il y a une grosse part d'activité salariale ou patronale et se dégage du temps pour gérer ces conflits et donc pour être juge. Donc, c'est le Conseil des prud'hommes. Il faut savoir que les ordonnances Macron modifient un certain nombre de choses. Mais si on revient un tout petit peu en arrière, et je vais le faire très rapidement, les règles ont commencé à changer, je dirais, à partir de 2010, où on a senti que, ça y est, la contestation des salariés par la voie juridique, juridictionnelle, j'ai envie de dire, la saisine de la juridiction, emmerde les patrons, les emmerde très sincèrement. Quand on connaît le harcèlement, la discrimination, la souffrance au travail, tout ça, on a par un travail, certes juridique, qui vaut ce qu'il vaut, mais néanmoins, avec cet acharnement juridique, on a réussi à démontrer ce qu'était la souffrance au travail, par le harcèlement, par la discrimination, en se bagarrant pour faire reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pourquoi pas en saisissant le TAS, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, pour faire un lien avec la sécurité sociale, pour se faire prendre en charge, par exemple, au titre d'accident du travail, ou pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur quand il a généré une telle souffrance qui a fait que la rupture du contrat de travail était indispensable. Donc, il y a eu une vraie bagarre juridique et le Conseil des prud'hommes a pris de plus en plus de place, d'importance, et a donné de réelles condamnations et des condamnations pécuniaires. Et ce que est le patronat, mais là aussi, je vous apprends rien, collectivement, on peut en faire le constat, pourquoi on cherche à faire grève ? Pour toucher le portefeuille. Il n'y a que comme ça qu'ils comprennent. Ils ne peuvent pas comprendre autre chose qu'en les touchant au portefeuille. Et le Conseil des prud'hommes était vraiment leur point noir. Donc Macron, parce que c'est lui qui a initié la toute première fois la modification du Conseil des prud'hommes, pas dans les ordonnances, mais à l'époque où il était ministre de l'Industrie et blablabla, blablabla, son titre à rallonge. Il a créé la loi Macron 1, 2015, de mémoire. Alors, dans cette loi absolument fourre-tout, parce qu'il était ministre de l'Industrie, pas ministre du Travail, donc on ne voit pas trop ce qu'il est venu foutre sur ces plates-bandes-là. Néanmoins, donc ministre de l'Industrie, donc il a mis dans sa loi, par exemple, il y avait la signature des architectes qui n'était plus obligatoire pour les agriculteurs qui construisent une surface agricole de plus de 700 m². D'accord ? Il y avait aussi dans cette loi Macron la taille des panneaux publicitaires pour la coupe de l'Euro de foot. D'accord ? Parce que tout ça, c'est réglé par la loi. Et puis, il y avait quelques paragraphes sur le Conseil des prud'hommes qui modifiaient structurellement les règles du Conseil des prud'hommes. Et là, je peux vous dire que, juriste, on est tous tombés de notre chaise quand on a vu ça, parce qu'il s'est permis, lui, de dire, voilà, le Conseil des prud'hommes, maintenant, vous le saisirez comme ça, et ça se passera comme ça, comme ça, comme ça. Je vous explique. Avant, le conseil des prud'hommes, je vous l'ai dit, c'est des patrons, des ouvriers. Donc ça veut dire que quand on se pointait en tant que salarié devant le conseil des prud'hommes, on expliquait notre problématique. Voilà, j'ai travaillé tant d'heures, il m'en a payé tant, il m'en manque tant. Je veux obtenir la condamnation de mon patron parce qu'il ne comprend rien, j'ai beau lui expliquer, il ne comprend rien. Les juges, moitié patron, moitié salarié, leur rôle était de traduire juridiquement les demandes du salarié et de donner raison ou pas, en demandant aux salariés d'avancer des preuves, etc. C'était pas plus compliqué que ça, le Conseil des prud'hommes. Et c'était très bien comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas des magistrats professionnels. Ils sont là pour avoir un pied sur le terrain et connaître le droit pour rendre un jugement. Quand on saisissait le Conseil des prud'hommes, tu remplissais, tu allais à l'accueil, tu avais une feuille recto verso, tu la remplissais, nom, prénom, tu bosses où, très bien, c'est quoi tes demandes, et ensuite tu t'expliquais devant le juge. Les premiers juges que tu voyais, c'était dans un bureau de conciliation. Donc tu es là pour voir ta version des faits, le patron expliquait sa version des faits, et le juge tranchait en disant, bah, écoutez, quand même, on voit bien que là, les heures sup, ils ont l'air d'être réalisées, est-ce que vous voulez pas faire un pas vers le salarié et peut-être régler ce problème à l'amiable? Sinon, vous partez en procès. Donc s'il y avait conciliation, très bien, ça se réglait là. Si ça ne se réglait pas, on partait en jugement. Le conseiller des prud'hommes, ce n'était pas plus compliqué que ça. Macron, loi de 2015, nous pond quelques paragraphes et nous révolutionne tout ça. Pour saisir le conseil de prud'hommes, maintenant, il faut remplir 7 pages recto verso. Je vous laisse imaginer la complexité des pages à remplir, puisque c'est plus seulement l'identité du salarié, mais c'est de savoir si on convoque les AGS, ça sert à quoi ? S'il y a un redressement judiciaire, oui, je vois vaguement. Quels sont les acteurs du redressement ? Ça se complique. Des questions qui vont poser des doutes aux salariés. Et en plus, s'ils remplissent mal leur saisine, c'est pas sûr qu'ils aillent jusqu'au bout, parce que forcément, il y aura une erreur de procédure. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'orientation. Avant, donc tu saisis le conseil des prud'hommes, tu étais balancé en audience et ça s'arrêtait là. Après, le juge faisait un petit peu le boulot et t'étais orienté. Maintenant, il y a tellement de chemins possibles avant d'arriver au fameux procès, au fameux jugement, que soit tu te perds, soit tu te trompes et ta demande est bananée. Et donc, ça a eu l'effet que ça a eu, puisque loi Macron 2015, les derniers décrets qui ont promulgué ce que je vous dis là sont tombés en mai 2016. En juin 2016, on avait 78% de saisines en moins au Conseil des prud'hommes de Rennes. En décembre, la greffière du Conseil des prud'hommes était en train de me dire « Je ne suis pas sûre que je vais garder mon poste. » Parce que forcément, ça a mis une claque, mais il faut se rendre compte à quel point les salariés se sont retrouvés comme des cons à regarder leur dossier à remplir avec quelqu'un qui leur dit « Attention, si vous remplissez mal, vous risquez de ne pas voir votre demande aboutir. » Donc voilà, donc il a changé ses règles en profondeur en 2015. C'est difficile d'expliquer ça au grand public. Je ne sais pas si vous avez vu, entendu des choses qui parlaient de ça en 2015-2016. C'est extrêmement difficile d'alerter les salariés sur cette question. Donc je suis toujours contente quand on nous invite à en parler. J'en viens au fond et j'en viens donc aux ordonnances Macron pondues récemment. Alors, les règles, il ne va pas y retoucher. Maintenant, c'est devenu une usine à gaz et c'est très bien, ça lui plaît. Donc, sur le fond, il a été touché ce que les juges octroyaient. Et il s'est permis de dire, lui, Macron, il s'est permis de dire deux choses. Un, je vais modifier le code du travail. Avant, vous aviez 12 mois de dommages et intérêts si vous étiez licencié comme un malpropre en accident du travail sans respecter les règles. Vous êtes licencié comme un malpropre, vous aviez 12 mois de salaire. Maintenant, c'est 6 mois. Donc, c'est simple, hein, il a repris le code du travail, il a enlevé 12, il a mis 6. Et il a fait ça sur un certain nombre de choses. Et la deuxième chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est carrément permis d'intervenir sur la jurisprudence sociale construite depuis 30 ans, depuis, enfin, bien avant que j'arrive, bien avant que tu arrives peut-être aussi. Large. Large. En imposant un certain nombre de règles juridiques, mais qui n'ont pas besoin de justification. Il est venu, il a imposé, il a dit, voilà, c'est ça. Et il a changé le fond. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais donner quelques exemples, et je vais passer la parole à Manu pour qu'il en donne quelques exemples, puis je vais peut-être compléter derrière. Mais vous verrez à quel point il a, non seulement découpé le code du travail, mais tranché dans le vif. Enfin, maintenant, vous verrez, il y a des exemples terribles. J'en ai quelques-uns en tête et quelques-uns vécus, puisque j'étais en audience la semaine dernière, je peux vous dire que je les ai là, on va en parler tout à l'heure, mais vous allez voir à quel point c'est terrible. Alors du coup, on parle plus de l'ordonnance qui a été gentiment appelée relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Alors, je vous jure que la prévisibilité, elle est pour l'employeur, elle n'est pas du tout pour l'employé. Donc, on arrive sur un droit qui a, auparavant avait été, ben, voilà, comme on l'a dit, avec des juridictions qui petit à petit ont créé des barèmes qui permettaient d'évaluer en plus de seulement une somme perdue, ce que ça engendrait chez les personnes. En fait, quand on arrive devant cette juridiction, si on, par exemple, on a été viré alors que bah, il n'y avait pas le droit de nous virer, on pouvait avoir une réparation à hauteur du préjudice subi. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec une réparation plafonnée selon son ancienneté et selon ben, voilà, selon l'ancienneté au niveau des indemnités. Du coup, clairement, si on réfléchit bien, donc quand on est dans alors une grosse entreprise quand même, je crois que c'est plus de 300, non, au-dessus de 50 salariés, au-dessus de 11 salariés, pardon, excusez-moi, c'est 11 le seuil, parce qu'en dessous de 11, c'est encore pire. Quand on a été viré alors qu'il y avait une faute du côté de l'employeur et que bah, c'est reconnu par le tribunal des prud'hommes, on se retrouve avec une indemnité maximale de 1 mois de salaire. Voilà, après, il y a un découlé jusqu'à un maximum de 30 mois de salaire. Quand on est de 20 mois de salaire, pardon, quand on est à plus de 30 ans de boîte. Donc même si l'employeur fait une erreur, c'est reconnu par un tribunal. Voilà, c'est plafonné et ça ne correspond pas du tout au préjudice qui avait été réellement vécu par les salariés. Il faut savoir que quand on réfléchit bien, un salarié même, enfin un employeur a même intérêt, s'il calcule bien les choses et si en plus il n'a pas besoin de qualifications très importantes, à virer au bout d'un an tous ses salariés en faisant des fautes, parce que il n'a pas le droit de les virer, parce qu'ils n'ont pas fait de fautes graves et tout ça, il aura intérêt de les virer pour éviter de payer de l'ancienneté. Ça coûtera moins cher de les virer en payant 1 mois de salaire d'indemnité au prud'homme. Donc c'est quand même une façon de réfléchir la sécurisation qui est très très orientée du côté de l'employeur. Pour les entreprises de moins de salariés, on arrive à des sommes complètement ridicules au prud'homme. Pour 1 an d'ancienneté, ça doit être 0,5 mois de salaire. Pour 10 ans d'ancienneté, 2,5 mois de salaire maximum. Les indemnités sont complètement ridicules et ce sera bah, pour l'employeur, c'est sûr, une vraie sécurisation quand il aura à virer quelqu'un. Il y a eu d'autres choses sur les questions des comment appeler ça. Alors, quand il y avait un problème de qualification je vais vous le redire exactement. Quand il y avait un manque de motivation d'un licenciement, normalement, ça crée un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Avant, voilà, ça pouvait être reconnu, on avait le temps pour le faire reconnaître. Aujourd'hui, il va falloir que le salarié demande la justification du licenciement et s'il ne le demande pas, alors le délai, je crois que c'est 15 jours. S'il n'a pas demandé cette qualification précise, eh ben, il ne peut pas revenir en arrière. Les 15 jours sont passés, même si c'était sans cause réelle et sérieuse, ce ne sera pas reconnu parce qu'il n'a pas demandé la qualification exacte du licenciement. Donc, c'est plein de petits morceaux comme ça qui, effectivement, créent une vraie sécurisation pour l'employeur parce que là, enfin, vous voyez, je travaille dans une boîte qui est dans le social, une association. J'ai pas le droit de dire boîte, où déjà il y a 4 ans, donc il y avait un salarié, on savait que ça allait être compliqué son départ, enfin, puisque en tant que délégué syndicaux et DP, on était alerté sur cette question-là. Déjà, notre association avait provisionné ce qu'elle semblait être son risque au prud'homme, c'est-à-dire qu'elle avait réussi, hein, une asso de 300 salariés, à mettre de côté 80 000 euros en prévision d'un départ difficile avec un salarié. Aujourd'hui, ils auront juste à calculer. Alors, je vous parle d'une association, hein, donc qui ne fait pas de bénéfices, blablabla. Bla. Une grosse boîte qui veut provisionner les risques de départ difficiles de salariés, c'est très simple. Ils prennent la calculette, ils mettent de côté ce qu'il faut, et là, ils sont peinards. Ils n'auront plus aucun risque financier. Enfin, provisionner 1 mois de salaire ou 2 mois de salaire ou 3 mois de salaire pour une grosse boîte, c'est vraiment le plus simple du monde, quoi. Voilà un petit peu. Ce que nous dit cette. Alors, on ne vous parle que d'une seule des ordonnances, hein. Il y en a cinq. Alors, une, deux minutes. Super, merci. Effectivement, je pense que Manu a bien présenté les choses et j'ai des exemples très concrets. Aussi, par exemple, un peintre, enfin, je me souviens d'avoir défendu un peintre en bâtiment, donc dans une entreprise de moins de 11 salariés, puisqu'il bossait chez un artisan, ils étaient trois. Mon peintre avait plus de 50 ans, venait juste de retrouver son boulot, il était content. Et puis, il est tombé en maladie longue durée, parce qu'il a eu la bonne idée d'aller tailler je ne sais quel arbre, et il s'est tombé de son arbre, etc. Donc, ça a été pris en maladie. Donc, son ancienneté ne compte pas pendant ce temps-là. Et quand il a repris le boulot, ça n'a pas été aussi simple, parce qu'il ne pouvait plus aussi bien plier les genoux, et au niveau santé, c'était vraiment difficile. Néanmoins, il a repris et puis petit à petit, il commençait à retrouver l'usage de ses bras, etc. Mais pas suffisamment. Le patron l'avait remplacé. Il n'avait pas forcément envie qu'il revienne. Et puis, finalement, il n'était peut-être pas aussi rentable que comme quand il l'avait embauché. Donc, du coup, il calcule son ancienneté, 2 ans de boîte. Et mon gars, il a été licencié. Donc ça, c'était une affaire dont je viens d'avoir le jugement. Et mon gars a obtenu 4 mois et demi de salaire. Donc il faut savoir qu'il touchait à peu près 1 600 € brut. Donc on multiplie par 4 mois et demi. Je vous laisse calculer ça, j'ai pas ça en tête. Néanmoins, 4 mois et demi de salaire. J'ai réussi juste à prouver que, un, il a été licencié abusivement parce que le patron a dit « Oh, il y a eu des erreurs sur un chantier. Vous avez peint en débordant sur l'escalier. Il y a un autre chantier, le chantier était dégueulasse. » Et puis le quatrième motif, je ne sais plus ce que c'était. On réussit à démontrer par A plus B que le licenciement est abusif. On obtient devant les prud'hommes, donc un, qui disent que le licenciement est abusif, deux, des dommages et intérêts. Les dommages et intérêts sont calculés par rapport à son préjudice. Mon gars avait 53,5, je crois. Il avait donc sa femme et encore un enfant à charge. Donc on réussit à gratter les 4 mois et demi de salaire. Et je lui dis, en lui remettant son chèque, vous savez qu'aujourd'hui, avec les ordonnances Macron, on aurait pu savoir combien vous touchiez, il n'y avait même pas besoin d'aller au prud'homme pour ça. Maintenant, il y a ce que vous a expliqué Manu, la barémisation. Entreprise de moins de 11 salariés, 2 ans de boîte, vous auriez le droit à 15 jours de dommages à intérêt. 15 jours de dommages à intérêt. 800 balles, circule, il n'y a rien à voir. C'est un plafond, hein, ça peut être moins. C'est, comment dire... Voilà. On vous a parlé du licenciement tout à l'heure, là, de l'insuffisance de licenciement. C'est-à-dire, concrètement, que donc on va reprendre cet artisan, donc il licencie mon gars, ok, on est sous l'ère Macron, d'accord, donc avec les ordonnances Macron. Le gars est licencié, il a 15 jours pour demander à son patron s'il a des observations à faire. Non, je ne vais pas commencer comme ça. Je vais dire autre chose avant. Il faut que je me dépêche. Le licenciement, il a lieu, et puis finalement, on ne respecte pas la procédure. On ne convoque pas le gars à un entretien préalable. Le patron, il laisse un post-it sur le bureau, t'es viré. Il est licencié, ça c'est sûr, mais pas en bonne et due forme, parce que les règles, elles ne sont pas respectées. Donc, quand on se pointait devant le conseil des prud'hommes, on pouvait obtenir un licenciement abusif. J'avais toujours mes 4 mois et demi. Et en plus, il n'a pas respecté la procédure de licenciement. Donc, j'ai le droit à 1 mois de dommages à intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement. Ça, c'était avant. Et maintenant, avec l'ordonnance Macron, et c'est ce qu'a expliqué Manu, l'insuffisance de motivation de licenciement, ça revient au même que le non-respect de la procédure, c'est 1 mois de salaire. On a dit comme ça, c'est pas trop buvable. Mais avec l'exemple où on sait que... Donc, il est licencié. Le salarié a 15 jours pour demander à son employeur pourquoi il l'a licencié. Enfin, pour avoir des observations sur le motif de licenciement. Vous dites que j'ai mal fait mon chantier, d'accord, mais avez-vous des observations supplémentaires? L'employeur a 15 jours pour répondre. Imaginez qu'il ne répond pas. Très bien, le salarié saisit le conseil des prud'hommes et il dit, voilà, moi j'ai été licencié. Le conseil des prud'hommes lui dit, ouais, mais est-ce que vous avez demandé des observations à votre employeur? Oui, je l'ai fait dans le délai de 15 jours. Très bien, il a répondu quoi le patron? Rien. Ouais. Donc il y a une insuffisance de motivation du licenciement. On ne peut pas aller sur le fond, on ne peut pas reconnaître vos licenciements abusifs, c'est une erreur de procédure. 1 mois de salaire. C'est assez clair. On est ficelé, la boucle est bouclée. Je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que tout, non seulement il y a une baisse drastique du nombre de salariés qui va saisir le conseil des prud'hommes, mais si en plus tu le saisis en te disant ouais, 800 balles, c'est quand même 800 balles, hein, moi on me les donne, je les prends, hein. Eh ben, c'est même pas sûr que tu les aies. Bon, on a plein d'autres exemples comme ça, on va s'arrêter là. Juste une dernière chose, moi j'ai connu, et je suis toute jeune, hein. Dites pas le contraire, je suis super jeune, ça fait 12 ans que je fais le métier, il y a 12 ans, la prescription était trentenaire, c'est-à-dire que pour saisir le conseil des prud'hommes, tu avais 30 ans pour le faire, d'accord? Elle est passée à 5 ans, ensuite elle est passée à 2 ans. Ordonnance Macron, 1 an, Oh, 15 jours, on a bien essayé. Un an. Voilà, en quelques mots, notre présentation d'une partie des ordonnances Macron. Merci beaucoup à vous deux.